money dans le pocket. La rue les profits, touch en dépossible. Jeune millionnaire, puis dans la baby. XL en or comme Carter et Didi. Concert à Tunis, concert à Alger. J'fais le tour du monde juste en niquant des madres. Détail en grossit, la street a changé. Bonne qualité mais fini par balancer. J'aime pas la police pour une seule raison. Ils ont fait pleurer ma mère à la maison. Pourquoi j'suis nerveux, pourquoi j'ai fumé. Pourquoi ma vie devient celle que je voulais. Stonard, j'défie Marie-Jeanne le soir. Vivre ses rêves en enfer est un cauchemar. Ils ont changé, veulent qu'on fasse semblant de rien. Ils m'ont envié, obligé de rompre les liens. Money dans la pocket. Ah ouais? Money, money dans la pocket. Pocket, pocket. Le flouze, flouze. Il faut ma dose, dose. Il faut ma dose, dose. Ils veulent ma peau, mais l'eau. Pourtant j'ai rien fait de mauvais. Il faut ma dose, dose. Il faut ma dose, dose. Ils veulent ma peau, mais l'eau. Pourtant j'ai rien fait de mauvais. Il faut ma dose, dose. Il faut ma dose, dose. Ils veulent ma peau, mais l'aube. Pourtant j'ai rien fait de mauvais. Il faut ma dose, dose. Il faut ma dose, dose. Ils veulent ma peau, mais l'aube. Pourtant j'ai rien fait de mauvais. Jamais. Les réseaux font de nous des prisonniers du regard des autres et des évadés du regard des fautes. Quand veut s'épargner, miroir de mots sont trop échangés. Tirant des gaufres, veut pas s'enfermer, calbar en feu. Remords, reports des amers, m'en veux t'avoir démarré. Pas face des mythes, pas tout réparer. La mer en veut pas se Money, money dans la pocket. Money, money dans la pocket. Pocket, pocket. Le flouze, flouze. Flouze. Dose, dose, ils veulent ma peau, mais l'eau. Pourtant j'ai rien fait de mauvais. J'ai pas ma dose, dose.